Les éditions de l'Avenir présentent Relations des Jésuites, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans les missions des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France. Volume 1, embrassant les années 1611, 1626 et la période de 1632 à 1641. Québec, Augustin Côté, éditeur-imprimeur près de l'archevêché, 1858. Relations de 1611. Chapitre 31. Comme le navire fut visité aux Açores, et la bonne foi que les Jésuites gardèrent aux Anglais. La main de Dieu était évidemment sur les Jésuites pour les protéger, ainsi que vous avez pu apercevoir par-ci devant, et fut manifeste en un autre danger qu'ils passèrent, que nous ne racontons pas ici pour n'être pas long, auquel, néanmoins, ils confessent d'avoir eu plus de peur qu'en beaucoup d'autres, et non sans cause. Cette protection divine se montra encore clairement ce qu'elle ôta l'appréhension du péril au capitaine. Car, s'il eût prévu les grands dangers qu'il courut puis après, je ne sais s'il eût été assez consciencieux ou ses gens pour ne se point résoudre au meurtre avant que de tomber aux perplexités auxquelles ils furent réduits en cette façon. Ils arrivèrent à l'île de Faël, qui est une des Açores, et ne se pensaient à leur arrivée que d'ancrer près de la ville, d'envoyer leur bateau pour se charger d'eau, de laquelle ils avaient principalement besoin, et acheter quelque peu de biscuits et autres nécessités plus pressantes. En cette façon, il était fort facile de cacher les Jésuites, parce qu'on ne visite guère que fort légèrement ceux qui sont loin de terre. Et puis, visite passée, tout le péril est passé. Cette considération fit résoudre tant facilement le capitaine à ne pas user de cruauté. Mais la fortune trouva bien autre tour et détour qu'il ne pensait. Car il lui fallut entrer dans le Havre et se tenir à la vue de la ville et des autres navires. Là, de sinistres accidents, notre navire s'alla heurter contre une caravelle espagnole chargée de sucre et lui rompit son beau prix. L'Espagnol pensa que ce fut un guet-apens à cette fin de surprendre son vaisseau et le voler, tout aussi qu'avait fait un Français dans le même port 5 semaines auparavant, et partant, se prit à crier aux corsaires, faisant armer ses gens, et peu s'en fallut que l'on en vint aux mains. Grand bruit et grande émeute dans la ville et par tous les navires qui étaient là, grande alarme. Il fallut que le capitaine allât à terre, et y demeura pour gage et assurance. Encore ne pouvait-on croire qu'il fût autre que pirate. On vint visiter et revisiter le navire, et les Jésuites jouaient, comme l'on dit, à éconseil, de trou en cachot et de cachot en fond, toujours en quelque nouvelle muse. Or, sur le vif et le chaud, des soupçons et grabuges, les Espagnols venant visiter, les pauvres pères et le garçon français étaient derrière une chaloupe, se tenant croix et sans souffler, car si seulement ils eussent soufflé un peu gros ou remué la main ou le pied, ils eussent été découverts. La chose était si hasardeuse que nos Anglais en transissaient de malpeur. Mais les Jésuites leur voulurent constamment garder la foi pour plusieurs raisons et, entre autres, pour faire voir par effet aux calomniateurs de l'Église catholique qu'à tort et contre vérité, il lui impose d'enseigner qu'il ne faut point garder la foi aux hérétiques, ce qui est totalement faux et contre sa doctrine. Mais revenons aux Espagnols. Ils n'aperçurent jamais les 10 pères en leur visite et s'en allèrent en fort bonne opinion des Anglais qui, les voyant dehors, et revenant à soi de la grande appréhension à laquelle ils avaient été, se prirent à faire tant de caresses aux pères et tant de fêtes en reconnaissance de leur sincérité qu'en pourrait faire une troupe de bons parents et amis s'entre-rencontrant en paix après une absence et séparation de bien longtemps. Les mêmes Anglais ont souvent, depuis, louangé les 10 pères, en la présence de leurs ministres en Angleterre, de cette leur fidélité, et les ministres en démontrèrent grands signes d'étonnement et d'admiration. Chapitre 32. La venue en Angleterre et la délivrance des Jésuites. Les Anglais demeurèrent 3 semaines entières engagés en cette île, que nous disons de Fael, pendant lequel temps les pauvres jésuites ne purent point voir le soleil. Or, parce que les 10 Anglais avaient faute d'argent, ils ne purent guère s'y remplumer, ce qui les fit du tout résoudre à ne plus retenter la Virginie, ainsi sans revenir en Angleterre, attendu mêmement que, déjà, ils se voyaient dans la présente année 1614, qui était le terme de leur service. Or, étant à la course et voie d'Angleterre, la tempête nous jeta hors la Manche, qu'on appelle, c'est-à-dire hors le canal qui entre la France et l'Angleterre, il nous fallut réfugier au port de Millefière, en la province de Galles. Là, une autre fois, toute provision nous défaillirent, ce qui contraignit notre capitaine d'aller à Pembroke, ville principale de cet endroit, et vice-amirauté. Mais à Pembroke, il fut arrêté prisonnier, sur le soupçon qu'on avait qu'il fût pirate. Le soupçon naissait de ce que lui et ses gens étaient anglais, et leur navire, toutefois, était fait à la française, ce qui faisait présumer qu'il venait du port de Crippe, aux îles de l'Arcin, par-de-ça le cap Écumant. Le capitaine se justifia du mieux qu'il put, disant la vérité, mais on ne lui croyait pas, d'autant qu'il n'avait point de commission, et n'en pouvait avoir, parce que n'étant que lieutenant, il suivait son capitaine, et ne s'était séparé d'avec lui que par accident de tempête, ainsi qu'avait ouï. À cette cause, il fut contraint de produire, pour témoin de sa prudomie, les 2 jésuites qu'il avait dans son navire, gens irréprochables, se disait-il, et disait vrai. Aussitôt, par commandement du magistrat, les 10 jésuites furent appelés à terre et interrogés en justice avec grand respect. Eux contèrent la vérité du fait et, à leur déposition, le capitaine fut tenu gentilhomme d'honneur et de bien, sauf à démêler nos différends touchant la Nouvelle-France devant le roi. Néanmoins, il fallut séjourner un grand longtemps au dit Pembroke, attendant réponse de Londres. Car il fut nécessaire d'y envoyer, tant pour avoir de l'argent que pour avertir de cette affaire, le grand amiral et la compagnie des marchands qui ont charge de la Virginie. Et c'est ici où l'admiration arrête et mon haleine et mon pas, pour m'écrier avec le sage que les dispositions de la divine providence sont véritablement dressées au compas, articulées au nombre et mesurées au poids et au trébuchet jusqu'à un demi-grain. Car cet appel des jésuites fut sans doute une industrie de cette paternelle providence qui les assistait partout. D'autant que s'ils fussent demeurés dans le navire, comme ils y étaient destitués de tout, au cœur de l'hiver, car c'était en février, et ce, 4 semaines durant, il est vraisemblable qu'ils fussent morts de froid et de misère. Mais au moyen de cet appel, ils furent connus par le juge, lequel, fort honnête et grave personnage qu'il est, ayant entendu combien ils étaient mal dans le navire, les fit loger chez le maire de la ville et paya pour eux, disant que s'ils avaient de quoi, ils le lui rendraient, sinon que cela serait donné pour Dieu. Car autrement, ce nous serait trop de honte, disait-il, si gens tant honnêtes et savants ne trouvaient de la courtoisie parmi nous. Ce bon seigneur s'appelle Nicholas Adams, vice-amiral du dit Pembroke. Or, pendant ce séjour, toutes sortes de gens les allaient voir, et de bien loin, par curiosité de voir des jésuites en leur habit, ainsi qu'ils étaient et ont toujours été jusqu'à leur retour en France. Ministres, justiciers, gentilshommes et autres venaient conférer avec eux. Un milord même du Grand Conseil voulut avoir le plaisir de les accarrer en dispute rangée avec 4 ministres. Je dis « ministre » pour m'accommoder à l'intelligence française, car en Angleterre, ils les appellent « prêtres ». Et le chef de la dispute était un archidiacre, parce que les Anglais retiennent encore beaucoup de l'Église catholique, comme l'ordre de la hiérarchie ecclésiastique, archevêque, évêque, prêtre, archidiacre, curé, chanoine, etc. La position épiscopale des mains, en la création des prêtres et moindres ordres, et en la confirmation des enfants, le crème et les cérémonies, le signe de la croix, et l'image d'celle et d'autres. La psalmodie et culte ordinaire, les fêtes ordonnées des saints et saintes, les vigiles, les jeûnes, le carême, l'abstinence des viandes au vendredi et samedi, les habits sacerdotaux, et vaisseaux sacrés. Et ceux qui condamnent toutes ces choses, comme font les calvinistes de France et d'Écosse, et les appellent « superstitions damnables » et « inventions de l'Antéchrist », sont nommés chez les Anglais « puritains » et les détestent comme peste exécrable. Or, enfin, réponse venant de Londres, on sut que M. l'ambassadeur de France avait été averti de l'arrivée de ce navire et en poursuivait la reddition, et particulièrement des jésuites, ayant eu commandement de le faire, de la majesté très chrétienne. Ce fut un autre effet de la providence divine, lorsqu'elle moyenna ce notre arrêt en la province de Galles, à cette fin qu'il fut connu de tous. Car nous avons de grands indices, et vous en verrez tantôt aucun, que si les marchands qui ont surintendance de la Virginie en pouvaient faire à leur gré, pas un étranger qui aurait été en la dite Virginie en reviendrait jamais en son pays. Pour tout finir notre discours, notez que les jésuites furent conduits, par un long circuit, au port de Sandvik et de là, ramenés à Douvres par le commandement du roi et de Douvres à Calais, où ils rendirent grâce à Dieu pour tant de signalés bénéfices et providences siennes et n'en avaient bien occasion, ayant demeuré 9 mois et demi entre les mains des Anglais. Le sieur d'Arquien, gouverneur du dit Calais, et M. Labollet, doyen, leur firent de leur grâce fort bon accueil et leur aumônèrent assez pour se conduire jusqu'à leur collège d'Amiens. Chapitre 33. Du retour du sieur de La Motte, du capitaine Fleury et de quelques autres, et la reddition du navire. Peu après sa délivrance de jésuites, Dieu recueillit encore, par sa miséricorde, quasi tout le reste du naufrage de cette façon. Le garçon, qui était avec les jésuites, appelé Guillaume Criteau, fut conduit à Londres et de là renvoyé à son père, à Honfleur. Sur ce même temps, le sieur de La Motte revint aussi en Angleterre, dans un vaisseau de la Bermude qui avait passé par la Virginie. Le capitaine Argall combattit généreusement contre le maréchal Thomas Deal, que vous avez ouï être fort âpre en ses humeurs, afin d'obtenir de lui permission du retour pour le dit sieur de La Motte, et l'obtint enfin. Or, le dit sieur de La Motte fut fort étonné que, subitement, étant arrivé en Angleterre, personne ne lui parlait plus, personne ne le voyait, il était délaissé de tous. Et le pire est que, sur ce, il tomba malade dans le navire. Il se soupçonna incontinent du danger où il était et d'où il venait, savoirait, des marchands de la Virginie, qui eussent désiré se défaire de lui et ne savaient comment. Il tâcha donc, par subtilité, et en trouva moyen, de faire savoir de ses nouvelles à M. de Bissot, digne ambassadeur de Sa Majesté très chrétienne, qui, aussitôt, lui manda 2 gentilshommes et le fit délivrer et bien traiter, ainsi qu'il méritait, pour son courage et valeur. En ce même temps aussi, Madame de Guercheville envoya la Saucée à Londres à cette fin de solliciter la reddition du navire et la réparation des torts reçus par un vol tantinique. Le navire a été rendu, mais on n'a rien obtenu davantage jusqu'à maintenant. Or, ainsi que notre navire, ayant main levée, prenait déjà le vol en France, pays de son origine, voici que le capitaine Fleury, son maître, arriva comme à point nommé pour entrer dedans et y commander. Le capitaine Argall, s'en revenant en Angleterre, l'avait encore arraché des mains du maréchal, et lui et 2 Français. Certes, le dit Argall s'est montré tel que nous avons occasion de lui souhaiter qu'il serve, d'ores en avant, une meilleure cause, et où sa noblesse de cœur puisse paraître, non à la perte, ainsi à la manutention des gens de bien. De tout notre nombre, 3 sont morts à la Virginie, et 4 y restent encore, à la délivrance desquels on travaille autant que faire se peut. Dieu, par sa miséricorde, leur donne patience et tire de notre affliction le bien que sa providence et bonté agréent. Ainsi soit-il. »